sais pas faire. We'll find our way. Safe in the wind, I'm safe. I know to say some people lay. I'm high. Oh, c'est pas terrible ça. C'est pas terrible ça. J'arrive pas à trouver les accords.

Ah putain, je fais n'importe quoi, moi. So. Philippe. Ouais, c'était un petit centré. C'est cool les percussions, j'aime bien. La basse, c'est un backup aussi. Ça tourne bien. Hein. Bon, c'est...